Vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des Canards sur Christ, épisode 26. Et pour cet épisode très spécial, vous allez entendre la retransmission du Grand Quiz 2023 qui va opposer les membres de l'association du Chemin de la Canne à Sucre au travers d'un questionnaire généraliste, mais quand même avec pas mal de questions autour de la culture bis, des jeux, jeux de société surtout, un peu jeux vidéo. Et sur un format question pour un champion, une première manche de qualification, il faut obtenir 3 points pour être qualifié pour la seconde manche. Il y aura 5 qualifiés, puis ensuite 2 qualifiés sur une sorte de 4 à la suite, simplifié, et donc la finale sur le format traditionnel de question pour un champion. Bonne écoute, salut tout le monde. Est-ce que tout le monde est chaud? Est-ce que tout le monde a un petit truc à boire Oui, c'est un petit déca, un petit rhum, une petite bière, quelque chose. Un nuit calme. Nickel. Très bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Question flipper. Que se passe-t-il lorsqu'on active le mode Pinball Wizard sur un flipper? Dévaste, Benoît. Il y a tout qui clignote, toutes les lumières s'allument. Du flipper. Seb ? Réponse incomplète. Et puis il y a tous les trucs magnétiques qui s'enclenchent aussi, là, les bumpers, tout ça. Ok. Non, c'est pas ça ? Si, c'est ça. Il y a également une avalanche de billes. Donc c'est validé par Maître Cheetos. Un point pour Benoît. Ça dépend des modèles, mais en général, tu as toutes les lumières qui s'allument, les magnètes qui s'allument et une avalanche de billes. Deuxième question. Ah, tu peux annoncer le thème hein, de la question à chaque fois. Hobby insolite. Attends, le buzzer n'est pas reparti. La finir. Ah là. Quel est le hobby principal de Ryan Gosling pratique pour l'hiver? Je sais pas. Manu. Le tricot? Bonne réponse. C'est le tricot. Ouais, j'ai mis des petits indices, Seb, parce que juste comme ça. Ils sont où les indices? Bah, c'était pratique pour l'hiver, l'indice. Ouais, pratique pour l'hiver. Tu okay. C'était dans la question. Soit le tricot, soit le déneigeage des routes, mais c'est bizarre comme hobbit le déneigeage des routes. Ah, sinon le vin chaud, quoi. Ah, aussi, c'est vrai. J'avais raclette en tête, peut-être, mais. C'est un hobby, la raclette? Bah, bien sûr. Ah. Question suivante. Origine du nom de groupe de musique. D'où vient le nom du groupe The Doors? De la fête foraine, là, dans les palais où il y a plein de portes. Non. Attends. Réponse, Xavier. C'est le port de la perception après consommation de LSD. Non, toujours pas. Sérieux, c'est pas ça? C'est quand même... Il y a une petite idée, mais c'est pas du. Alors, De Vast, il a pas dit l'avalanche de billes, hein, et on lui a validé. Hein. La réponse est approximative, mais oui, c'est tiré d'un poème de William Blake. Si les portes de la perception étaient nettoyées, tout apparaîtrait. J'ai dit les portes de la perception. Ouais, je validerais Alexandre. Je valide aussi. Hein. Ouais, c'est un poème de William Blake, ce que tu n'avais pas forcément dit, Xavier, mais. Je pense qu'on peut le compter. Oui. Allez, un point pour Xavier. Donc, égalisation, nous avons Xavier, Manu et Benoît à un point. Nous allons rentrer dans la catégorie fétiche de moi-même, l'Antiquité. Attention, on fait histoire Antiquité. Super. Dans l'Antiquité grecque, qu'est-ce qui est considéré comme le centre du monde? Pas de flipper dans cette ville, malgré son nom. Xavier. Je pense que c'est moi. Non. Ah merde. Mr. Freeze. La Terre. Non. Et j'avais pas entendu un 10. Elf. Oui. Est-ce que tu arriveras à être plus précis ou pas? Oh, c'est bien déjà. Ah, ça doit être le... Je sais pas, mais un temple de quelque chose à Delphes. Oui, à Delphes, le temple d'Apollon qui a brisé l'Omphalos, le nombril de l'univers, qui est une pierre que Zeus a crachée là. Et quel rapport avec le flipper, Benj? Le flipper, le dolphin. Mais oui, mais parfois dans le jeu, on comprend l'indice après la réponse. On est bon à Codenames ensemble avec Ben. La question suivante, jeu de société, ça reste une question de rapidité. Sur quel support ont été éditées les premières cartes Magic? Je sais pas. Manu. Du papier? Non. Oui et non. J'ai Maître Chitos qui me dit dans l'oreille, pas assez précis. Oui. Du papier toilette? Non. Guillaume. Du papier à musique? Non. Xavier. Carton. Carton. Pas du carton. Non, pas du carton. Émilie. Les paquets de céréales? Non. Non. Mister Freeze. Numérique, du coup. Les toutes premières cartes Magic, non. Alors, je ne sais pas qui n'a pas répondu. Kevin. On a dit que le papier n'était pas assez précis. Hein, donc, si vous dites autre chose, papier recyclé. Ce qui n'est pas du papier, a priori, ça ne va pas être bon. Qu'est-ce que le papier recyclé, c'est ça? Non, j'ai rien dit encore. Mais j'allais dire autre chose, mais du coup. Vas-y, une toile de peinture. Enfin, tu sais, les contoiles. Non. Non. Alors, qui n'a pas répondu? Il y en a quelques-uns. Ça a été fait à la fac. Gabi? Des cours? Enfin, des papiers, mais des exercices, genre? Non, j'ai rien. Benoît? Le papier Claire Fontaine, format Bristol. Grand carreau. Avec Bristol. Presque, mais perdu. Et à ce qu'il a, il reste personne, d'ailleurs. Alors, on veut tous la réponse, là, je crois. Du papier canson? Alors, ça a été griffonné, c'est du... Les toutes premières versions des cartes Magic qui ont servi à lancer Magic par le créateur avec ses amis ont été tracées sur du papier bloc-notes de fac en défi mathématique à petits carreaux. Donc sur du papier bloc-notes. Ah, c'était pas les grands carreaux. Il fallait donner le bon grammage du papier. Vous êtes tous foirés. Et ce sont à l'heure actuelle les cartes les plus compliqué à trouver vu que les cartes bloc-notes, c'est ça, elles sont en fait dessinées au crayon à papier. Alors on arrive dans une catégorie de questions star hein, qu'on retrouve tout à fait. Ouais. La géopolitique. Quel homme politique a dit: quand la droite se durcit, elle se rétrécit, si on met la voiture France à l'envers, nous n'aurons plus la capacité de rebondir. C'est deux phrases distinctes hein. Kevin. Chirac. Et non. Benoît. Jean-Pierre Raffarin. Benoît est connu. Ouais. C'est bien son genre. C'est le maître. Hein. C'est le maître Raffarin. C'est dur, mais oui. C'est le meilleur. Ce qui nous manquait, The Yes Need the No to Win Games. C'était la meilleure. L'indice en cas de non-trouvaille, que personne ne trouvait. Gastronomie. Franchement, un instant, je règle un petit coup de volume. Voilà, je t'en prie. De quel pays l'omelette norvégienne est-elle originaire? Guillaume. Angleterre. Alors, redis, parce qu'on n'a pas entendu la réponse. Angleterre. C'est non. La bouche pète. Manu. La France. C'est une bonne réponse. Du coup, je l'ai rédigé, si tu veux. Non, mais je vois rien sur ton écran qui est en police 10, là, 2 mètres. Une arnaque totale, parce qu'en fait, ça a été inventé en 1867 pour une expo universelle dans le Grand Hôtel de Paris. Et un chef qui s'appelait Balzac, et qui s'est inspiré des travaux d'un physicien américain sur le côté, le fait de séparer les couches avec des, je sais plus exactement, des travaux sur la chaleur en gros. Et c'était un physicien qui était immigré en Bavière, donc en Allemagne. Mais comme le mec était nul en géographie, il l'a appelé omelette norvégienne parce qu'il pensait que la Bavière était en Norvège. Français ou italien, la pâtisserie norvégoise. La pâtisserie, c'était soit français, soit autrichien à cette époque-là. Voilà. Donc exactement. 2 points pour Manu, 2 points pour Devast en tête, Xavier, Guillaume, 1 point, nouvelle question. Question flipper. Le dauphin. L'Athénien. D'où vient le nom Pinball Wizard qui permet de gagner une avalanche de billes et une invisibilité temporaire? Xavier. Donjon et Dragon. Faux. Oh merde. Émilie. C'est le nom d'une marque de flipper? C'est non. Non. Une question qui devrait valoir 5 points en fait. Tout à fait. Parce qu'elle est compliquée, mais en même temps elle est tellement culte. Guillaume. Là, moi j'avais la deuxième référence, pas la première pour être honnête. Mais... Une des Monty Python. Ouais. Non. Non. Mais il y a du mieux. Tu as la moitié des points. Comme ça vaut 5 points, j'en ai 2,5. C'est vrai qu'il y a de l'arnaque. Attends, t'es où, Guillaume? Ah, je peux pas mettre des demi. Je suis désolé. J'ai essayé, hein, vraiment. Non, mais 3, c'est pas grave. Allez, on donne la réponse du coup, je pense. On donne la réponse du film Tommy de 1975 de Ken Russell avec la chanson éponyme et interprétée par Elton John, la chanson Pinball Wizards. Je recommande fortement ce film. Avec vos enfants. Avec vos enfants. Surtout pas avec vos enfants. L'affiche me dit que non. Alors, pour donner un peu le contexte, c'est une comédie musicale faite par les Who. Qui? The Who. Les Who. Où ils jouent et interprètent dedans. Et c'est également, je ne crois pas qu'on ait parlé de Jack Nicholson dans mon questionnaire. Ben, tu me confirmes? Non. Qui est également le seul film où vous verrez Jack Nicholson interpréter quelqu'un qui n'est pas un méchant et qui chante de sa vraie voix dans le film. Très bien. Et tu peux également voir Elton John jouer au flipper sur un flipper piano clavier sur des plateformes shoes de 2 mètres de haut. Voilà, c'est à voir pour sa culture personnelle. Et c'est très très barré. Voilà, voilà. Alors. Hobby insolite. Le tricot. Non. Quel est le hobby de Seymour Cray, inventeur des super calculateurs, un mec qui a fait son trou? Guillaume. Il aime collectionner les fromages. C'est non. Mr Freeze. Ça, c'est les questions des grosses têtes, ça limite. Hein. Il faut passer 15 plombes. Alors, il y a quand même des indices. Ah, pardon, j'avais encore coupé. Oui, je disais compter le nombre de trous dans sa part de gruyère. Gabi. Le golf. C'est non. Pas assez insolite, le golf. Ouais, je me disais aussi. C'est vraiment insolite. Il y a un world record de ce hobby et recensé à peu près 35 personnes qui l'ont fait et qui ont... Ça me paraît beaucoup, déjà. qui ont été médiatisés. Mais on voit la tactique de Benoît, notamment, qui attend bien les indices avant de... Ah non, j'ai aucune idée. Actuellement, j'ai vraiment aucune idée. Il y a un youtubeur anglais qui pratique cette passion. Allez, on vous donne quelques secondes encore si vous voulez tenter votre chance. Manu. La détection de trésors? Non. Non. Tic-tac-tic. Xavier. C'est creuser des trous, tout simplement, sur la plage. Ah, presque. On n'est pas loin. Ouais, on n'est pas loin. Alexandre, est-ce qu'on le... Maître Chitos, est-ce qu'on accorde? Je pense qu'on va le faire, parce que si... Ouais. Ça peut rentrer dans ce... Oui, creuser des trous. Oui. Donc, Seymour Cray était adepte du tunneling. Il l'aidait à vider son esprit dans ses calculs. Le tunneling consiste à creuser des tunnels et des trous, à savoir que son actif, je crois qu'il était à 7 km de tunnel. C'est-à-dire qu'il a creusé à la base un potager et il ne s'est jamais arrêté. Et le mec, c'est une star à Gaza. Est un Turc avec un world record de 35 km de tunnel en 65 ans. Moi, je n'ai pas compris. Il creuse des trous ou des tunnels? Il creuse un tunnel, en fait. Il est descendu sous terre et il creuse son tunnel au fur et à mesure sur son temps libre. Un peu ce qu'on fait à la plage quand on est gamin, mais en grand. Et en version. C'est Colin Fuse, je crois, le youtubeur anglais qui est en train de construire un tunnel entre sa maison, son bunker et son studio YouTube. Donc il y a des actus là-dessus. J'ai vu passer ça, en fait. Je crois que c'est le Turc, quoi, qui avait fait un tunnel le plus long du monde. C'est légal, ça? On va faire ça. Tu as le droit de faire ça, effectivement. Tant que c'est pas ta propriété. Il y a une petite halte simplement là-dessus, donc faut s'y mettre. 7 km, c'est une sacrée propriété, on est d'accord. Bah, on parle quand même d'un mec qui montait les supercalculateurs et qui n'était pas non plus trop pauvre. Origine des noms de groupes de musique. D'où vient le nom du groupe AC/DC ? Highway to Hell, Thunderstruck. Xavier. Bah, du courant. La réponse est incomplète, mais oui. Bah, non. Du courant alternatif. Mais non, pas du tout. Bah non, pas du tout. AC et DC, c'est si vous ça veut dire ça, mais c'est pas l'origine du nom, Kevin. Ah merci. J'aurais dit le courant pour la guitare électrique, le courant alternatif pour en continu. Eh bien non. Bien non. Merde. Effectivement, ça sonne comme ça, a posteriori, ça sonnait bien parce que voilà. Il faut savoir que c'est également le logo qui a été trouvé en même temps. Benoît. On a un indice. Je sais pas, c'est leurs initiales, non? Non. Manu. C'était pas un truc sur un transformateur électrique dans le studio où ils étaient ? Non. Pas con, on s'approche. On s'approche d'une idée. Ouais. C'est de moins en moins complet. là où ils ont enregistré la première. Non. Allez, non. Seb, tu peux. Ça vient de la machine à coudre de la tempe d'un des membres du groupe. Qui portait le logo ouais, du groupe. Mais ça voulait dire quoi, ça, machine à coudre ? Alternatif et continu. Non, ça veut dire que tu pouvais la mettre en alternatif ou en continu, puisqu'à l'époque, tu avais les deux possibilités. Mais c'était la machine à coudre qu'il fallait trouver. Ah, ok. Oh, c'est dur. Ça dépend. Il y a des fois, on donne les points, des fois, on ne les donne pas. Là, pour le coup, oui. Ouais. Alors, antiquité. Quel est le nom de la femme de Cupidon, nom qui dessine également une grande glace mobile montée sur un châssis à pivot, ou encore un synonyme de l'activité mentale englobant toutes les manifestations conscientes ou inconscientes d'un individu? Guillaume. Psyché. Oui. C'était facile. Psyché. Psyché. Effectivement, la femme de Cupidon s'appelle Psyché. Et Guillaume a rejoint le club des gens qui ont 2 points. Jeu de société. Quel jeu de 2009 dans lequel on incarne un marchand de la Ligue hanséatique au XIIe siècle a gagné le prestigieux prix du meilleur jeu de la RDR 2022? Benoît. Santa Totonica. Oui, tout à fait. Oui, ah, Benoît qui se qualifie le truc avec les pour la deuxième manche. Non, tu confonds avec Bezen Memo, là. Ah, voilà. Bezen Memory n'est arrivé que deuxième. Géopolitique. Quel est le véritable nom de Coyote dans Bip Bip et le Coyote? Et on mettra des indices après, si vous ne trouvez pas. Vache. Ah, je sais. Moi, j'ai pas accès à la visualisation des indices. Pour que les autres puissent espérer trouver un truc. Guillaume. La ville Coyote? Non. Non, il est clairement cité dans les épisodes de Mary Melody. Ah. Tu veux dire ceux qu'on a regardés la semaine dernière avec mes neveux? Oui, je pense que tu peux balancer les indices directs. Okay. Hein, qui est aussi le prénom d'un vendeur de cravates et de polo, ainsi que l'interprète Xavier. De celui... Donald Trump Jr. Non. Il vend des cravates, putain. Mais pas des polos. Ralph. Oui, tout à fait. C'est une bonne réponse. Ah oui. C'est une bonne réponse. Ah oui. Le véritable prénom de Coyote, c'est Ralph. Puisque dans un épisode de Mary Melody, il pointe au travail le matin et dit bonjour au chien. Ralph et le chien s'appelle Alex, je crois. Gabi qui met. C'est exactement celui qu'on a regardé la semaine dernière. Oui, mais t'as pas couché. Faut faire gaffe à ce qui passe à la télé pour les questions, en fait. Ouais. On a fait des cours en neveu, Mary Melody. Allez, petite question gastronomie. Quel est l'ingrédient de base de la sauce gribiche? Manu. Le cornichon? Non. C'est long. Oh, je sais. Kevin. Pas de viande. Pas de la gravie, quoi. Enfin, ça... Non. Xavier. Des fruits rouges? Non. Oh. Ah putain. Guillaume. De l'ail? Non. L'ail? L'ail. Non. Oui. C'est pas ça. Mister Freeze. De la crème? Non. Bah, y a plus que Gabi, tu peux tenter ta chance avec un truc, mais franchement... J'ai aucune idée. Te prends pas la tête. Hein. C'est pas vegan. Des crevettes. Un ingrédient de base. Ah, vraiment de base. Hein. Gabi. Du beurre. Et non. Je vais relancer tout le monde. Attention, je relance tout le monde. Tout le monde peut répondre avec une deuxième chance. C'est parti. Manu. Un œuf. Mais Manu a triché. Non, c'est Benoît. Comment ça ? C'est une bonne réponse. Ah, non, on met le point. De toute façon, Manu, deuxième qualifié. Bravo, 3 points. Nouvelle question. Flipper ? Oui. Selon les classifications internationales, quel est l'âge minimum conseillé pour jouer au flipper ? Xavier. 13 ans. Non. Non. Kevin. 12. Non. Guillaume. 13. Non. Émilie. 10. Non. Non. Gabi. 11. Non. Il n'y a pas d'âge pour jouer au flipper. On est fort quand même. C'est pas question de l'âge, je crois. Ah, à 3 ans, t'attends pas la voir le board, quoi. Et Nico, tu peux tenter ta chance, hein, Nico. Manu. 18. Non. Non. Nico, c'est bouton rouge, hein, pour baiser. Pas pour baiser, hein. C'est pour ça. Il nous reste Mister Freeze et Nico là dans les gens qui n'ont pas tenté. Ils ne se souviennent plus des chiffres déjà donnés. Avec un petit indice, c'est moins. Voilà. Kevin. 5. Non. Émilie. 6 ans. Combien ? 6. Non. Xavier. 8. Non. Gagne le décompte. Oui, bravo. C'est vraiment un jeu de culture. Pas du tout au pif. Allez, on recommence sur Hobby Insolite. Est-ce que vous êtes prêts ? Et... Quel est le hobby de Richard Feynman, physicien majeur américain travaillant notamment sur l'électrodynamisme quantique, les quarks et l'hélium superfluide Alors on voit l'indice tout de suite à mon avis. Un indice, ouais. Un hobby qui ouvre bien des portes. Et Manu est en train de se prendre la tête. Il collectionne des clés. Non. Non. Ah. Xavier. Il crochète des serrures. Oui. Ouais, Xavier est qualifié. Alors, pour l'anecdote historique, à tel point que sur la base américaine où il travaillait sur la bombe atomique, il s'amuse à rentrer dans les bureaux des officiers, à ouvrir le coffre-fort des officiers, à laisser un petit message et à tout refermer et ressortir. Mmh. On lui a fortement déconseillé, en pleine guerre froide et à la chasse aux sorcières, de faire ça. Voilà. Alors, il nous reste... je ne sais pas si on qualifie 5 personnes ou 6, parce qu'on peut qualifier 5 personnes et garder le 6ème questionnaire pour les questions de départ. Non, on va qualifier 6 personnes, c'est plus fun. Le prochain questionnaire, c'est de nouveau origine d'un nom de groupe de musique. D'où vient le nom du groupe Casseur Flotteur, rassemblant le rappeur Kanye, Orelsan et son ami Grange. Ah, je l'ai su. Manu. Du film Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah oui. Oui, c'est ça. C'est une bonne réponse, mais t'avais déjà 3 points, Manu. Ah. Ouais, mais c'était pour rattraper la sauce gribiche. C'est pas grave. Donc, je rappelle, Xavier, Manu et Benoît, vous avez déjà gagné. Ça ne sert à rien de niquer nos questions, merci. Coup, question suivante, Antiquité. Dans quel film évoque-t-on l'amour entre Cupidon et sa femme Psyché sous le nom d'un parfum ? Dans quel film, c'est ça ? Oui. Kevin. Le parfum. Oui ! Ah bah... C'est vrai, oh, putain. Avec le parfum, Amour et Psyché, effectivement. Un livre et film. Et oui, effectivement. Alors, Psyché a été choisie pour être la femme d'un dieu. Sans savoir quel dieu, et elle n'avait pas le droit de le voir s'il le voyait, elle était maudite. Et du coup, c'est la malédiction de Psyché. Elle aime un dieu sans pouvoir jamais le voir. Question jeu de société. Attention, dans quel jeu de rôle réédité en 2017 utilise désormais 3 decks de cartes au lieu de l'unique drama deck auparavant, le drama deck utilisé pour le déroulement des conflits. Le Destiny Deck permettant aux joueurs d'amener des éléments nouveaux dans l'histoire ou de réussir certaines conditions, certaines actions. Le Cosma Card, distribué à chaque fois que les PJ entendent dans un nouveau Cosme, qui leur apporte des bonus pour des actions à venir. Xavier. Non, mais non, Xavier. Il en a déjà 3. Alors, oui, non, il a pourri la question. Moins un. La réponse est pas complète. Xavier, on ne nique pas ce genre de questions. Quoi. C'est la seule. Je l'avais aussi. Je suis discipliné, je n'ai pas trollé. Mais Torg. pour être plus complet, c'est Torg Eternity, donc la dernière édition, mais oui, c'est bien, bien Torg. Bravo, Guillaume qui a atteint les 3 points, qui est qualifié. Gastronomie, ça va être une question de rapidité. Quels sont les ingrédients requis pour faire une mayonnaise ? Mr. Freeze. De la moutarde, de l'huile et un jaune d'œuf. Et après, aussi un peu d'assaisonnement, sel et poivre. Pas une bonne réponse. Ah. Non. Ah ouais ? Mais non. Quoi ? Émilie. Alors, l'œuf, l'huile et du vinaigre. C'est validé. Ouais, c'est validé, carrément. Oui. En fait, la moutarde... Elle est où, la moutarde ? Malheureusement, non. Il n'y en a pas, c'est du rémoulade, sinon. Un abus de langage qu'on fait, mais avec la moutarde, c'est effectivement une rémoulade. Quel dommage. On aime enculer les mouches. Il y a de la mayonnaise. Oh, de la rémoulade. Il y a des enfants dans le public. Ouais, ouais. Excusez-moi. Eh bien, qu'ils Géopolitique. De gamins dedans, tu vois, c'est beau. Attention, question géopolitique, Alexandre. Géopolitique. Dans la Cité de la Peur, lors de sa course-poursuite avec le tueur sur la croisette, qui empêche Serge Karamazov de passer ? Mais pourquoi géopolitique ? Je sais plus. Émilie. Des mimes ? Ah, mais oui. Bonne réponse. Des mimes, bravo. Émilie qui a 2 points désormais. Émilie et Gabi, au coude à coude pour la qualif. C'est la dernière ? Question flipper. Non, il en reste 4. Ouais, on va qualifier une 5e personne. Et donc là, c'est la bagarre. Flipper. Quel est l'angle d'inclinaison traditionnel d'un plateau de flipper à 5 degrés près ? Kevin. 10. Effectivement, les cons de mime. Et barrez-vous, cons de mime. Oui, à 5 degrés près, oui. À 5 degrés près, c'est bon. Puisque c'était 5 degrés. Jeu de société. Lors des votes 2022, quel jeu a été à la fois élu pire jeu, label découvert, deuxième meilleur jeu et a vu ses ventes grimper de 3000% suite à la publication des résultats ? Gabi. C'est le Busen Memory. Oui, très bonne tout réponse. À fait. Et c'est bravo. Ouais. Question gastronomie. La pizza calzone non piquée avant introduction au four est drôlement gourmand, mais que signifie calzone en italien ? Mr. Freeze. Chausson ? Non. Oh merde. Un volcan ? Non. Non. Il reste Gabi. Mais moi je peux pas répondre. Ah oui, non, tu peux pas répondre. Il reste Kevin et Nico qui a pas répondu du tout, qui a peut-être un problème technique. J'aurais dit chaussure, parce que chausson ça marche pas. Et non, ce n'est pas chaussure. Non. Donc du coup, Manu, si tu veux, mais ça ne comptera pas. Couverture ? Non. Vas-y, envoie la réponse, Seb. Pantalon. Ouais, pantalon. Ah ouais. J'aurais dû mettre un indice. Calçon. Et attention, calçon, dernière question, dernière possibilité de vous qualifier. Géopolitique. Depuis la première République française, un seul président a été élu au premier tour. Mais qui ? Kevin. Au pif, De Gaulle. Non. C'est cohérent, c'est pas con, mais ça n'est pas ça. Alors c'est une question difficile hein, quand même. Oui. Mr. Freeze. On va entendre des choses. Poincaré. Poincaré, non. Non, non. Première République, c'est assez ancien. Ah ouais, c'est loin. Oui. Émilie, tu veux faire la tentative non, Non, parce qu'ils sont trop vieux, je les connais. Je les connais pas. Je te le confirme que t'étais pas né. Je dis pas la réponse. Moi, je te dis la Première République, c'est 1792. Manu. Napoléon. C'était pas un président. Non. Non, c'est pas Napoléon, Benjamin. C'est Napoléon III. Le 3, le 1. Napoléon 3, c'est pas Napoléon. Hein. Oui, c'est lequel, en fait, la question. Oui, non, mais si tu dis Napoléon de base, c'est Louis le premier. Napoléon. Oui, Napoléon, c'est lequel, celui-là ? C'est Napoléon 3. C'est le neveu de Napoléon. 3. Ah, Napoléon 3. On n'a pas de qualifié ou je... Question rapidité. Clic. C'est quoi, la question ? Bah, clic. Kevin. Kevin, 5e qualifié, bravo. Ah mais ça triche, j'ai une souris gamer, c'est de la triche. On est deux, c'est comme ça. Eh bien, il est temps de passer aux 4 à la suite. Choisis ton questionnaire. C'est dans l'ordre des qualifiés, je crois. Donc c'est Benoît qui a été qualifié en premier. Je vais donner les thèmes. Si on est sur... Il y a un des questionnaires, ça sera Juliette et Raphaël qui vont poser les questions. qui voulaient participer. Alors, le premier thème, c'est la traditionnelle question, le questionnaire chanson. Alors là, c'est pas un blind test, c'est des traductions de hit, pop, rock ou les deux. Donc, le principe, c'est que je vais lire des traductions de textes et il faudra trouver quelle est la chanson d'origine. Donc, traduction de hit, pop, ça, c'est le premier questionnaire. Ensuite, on a... Donc, des chansons en langue étrangère que tu nous donnes en français. Que je traduis, voilà, il faut trouver la chanson. Avec le rythme ou sans rythme ? Tu traduis le titre ou juste les paroles ? Non, les paroles. Ok, tu chantes ou tu chantes pas ? Non, je ne chante pas. Sinon, c'est trop. Parce que c'est vraiment des tubes, quoi. J'ai pas pris des trucs planqués. Oui, oui. Voilà. Non, on voulait voir ton talent, surtout. Il n'y a pas de casou. Écoute, même pas de petit instrument. Alexandre, tu as lu les questions. Il y en a quoi ? Il y en a 12. Tu confirmes qu'il y en a au moins 10 qui sont connus de tous. Je dirais même qu'il y en a plus de 10. Je dirais même qu'ils sont toutes connues de tous. En gros, vous êtes en train de dire que Benoît doit choisir ce questionnaire avant tout autre, quoi. Mais non, parce que Benoît ne parle pas anglais, donc c'est très mauvais, c'est une très mauvaise idée. Alors, deuxième questionnaire. La route du chemin numéro 25, avez-vous bien écouté le dernier épisode du podcast ? Moi, j'ai révisé à fond. J'ai pris des notes. Je vais prendre ça. Les arnaques. Alors, troisième questionnaire. Les CRPG, un style très isométrique. Ok. C'est pour coréen ? Non, c'est... Non, c'est RPG occidentaux. C'est classique RPG. C'est pour classique RPG. Ok, ouais. Merci. Ensuite, thème numéro 4, Sylvester Stallone, un questionnaire musclé. Parce qu'il y avait plus Jean-Claude Van Damme avait déjà été fait. Ouais, on les fait chacun. Réviser Schwarzenegger pour l'an prochain. Quoi. Alors, thème numéro 5, les musclés, un questionnaire sans Stallone. Oh. Vous avez vu le jeu de mots ? Ah, quand même. Hein. Et questionnaire numéro 6, Harry Potter, un questionnaire qui ne parle pas de golf. Oh. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh putain. Alors je refais. Avec plein de jeux de mots, c'est le dernier. Les chansons, les CRPG, Stallone, les musclés, Harry Potter. Harry Potter. Et c'est celui de. Et le podcast. Oui, c'est ça. Un bien quoi. Stallone. Alors Benoît. Je pense qu'effectivement Gabi. T'as dit Harry Potter à la fin, c'est ça ? Le dernier ? Bon allez, je vais essayer. Alors Harry Potter, du coup, c'est Juliette et Raphaël. Est-ce que votre micro marche, les enfants ? Oui, je crois. Quel est le nom d'enfance du grand méchant sans nez ? Indice, ce n'est pas Michael Jackson. Le nom d'enfance ? Et Tom Jedusor, non ? Oui. Un point. On sera au moins un point. C'est déjà ça. Dans quel jeu vidéo sorti cette année peut-on incarner un sorcier à Poudlard au 19e siècle ? C'est Hogwarts Legacy ? Oui. Dans quel jeu de Quidditch, quel objet est le plus important et permet la gagne dans la plupart des cas ? Ah, c'est le Vif d'Or. Oui. 3 points. À quelle maison Cho Chang et Luna Lovegood appartiennent-elles ? C'est un scandale. Il faut répondre. Attends. Oui, c'est... Serre d'aigle ? C'est une main. Ça s'appelle le serpent Maledictus dont Voldemort s'est attaché, les services créatures ayant sous sa forme humaine une romance avec Credence, Belle et Boss, dans les crimes de Grindelwald. J'ai pas entendu le début, pardon. Comment s'appelle le serpent Maledictus dont Voldemort s'est attaché, les services ? Je sais pas, j'ai n'importe quoi, le basilic, non, je sais pas. C'est Nagini. Par contre, j'ai un problème de son. J'ai un problème de son, j'entends très mal. Hein. Ouais. Mais de toute façon, c'est Raphaël qui prend le relais. Raphaël, à toi. Quel est le prénom du frère de Albus Dumbledore ? Frère ? Je sais pas. C'est presque un nom de bière. Je passe à la question suivante. Qui a écrit le livre Vie et mensonges d'Albus Dumbledore ? Ça, c'est dans les animaux fantastiques, non ? Qui a écrit le livre Vie et mensonges d'Albus Dumbledore ? Rita Skeeter. C'était Rita Skeeter, effectivement. C'est la journaliste à scandale. C'est dans les derniers films. Ah oui. Tous les derniers non, mais c'est surtout dans les bouquins. Ouais, c'est des livres. Ouais, dans les bouquins. Ouais. Chaque fois qu'il y a des trucs de tabloïd, c'est Rita Skeeter. Raphaël, question suivante. Comment se nomme la chouette de Harry Potter ? C'est un cinquième point, bravo. Dans quelle matière Harry Potter brille-t-il le plus ? La défense contre les forces du mal, non ? Oui, il y a pas si, un c'est comme ça. Un sixième point. Qui est Phineas Nigelus Black ? C'est le cousin, non ? Harry Potter ? Non ? Je peux dire la réponse. C'est un ancien directeur de Poudlard. Et c'est aussi le grand-père de Sirius. Ah. Exactement. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. C'est un cousin. Bah, il y a bien quelqu'un qui a son cousin, oui, j'imagine. Qui a tué Voldemort à la fin de la saga ? C'est Neville, non ? C'était Harry Potter. C'était la question la plus facile dans le questionnaire. Dommage. Ah merde. Ah ouais. J'ai cru qu'il y avait un piège, quoi. C'était quoi déjà le nom du frère de Dumbledore ? J'ai oublié. Belfort. Ah, Belfort. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Allez, dernière question, Benoît. Là, j'espère que t'as lu la pièce de théâtre. Comment... sinon, si t'as lu la fin du set, ça passe. Comment s'appellent les trois enfants de Harry et Ginny ? Oh là, je sais pas. Je crois qu'il y a des références à... Je sais plus, je pourrais pas dire. Je peux dire. Il s'appelait James Lily et Albus Severus. Ouais, il y avait Albus, ouais, je savais, mais les autres... Eh bien, ça fait 6 points pour Benoît. Merci les enfants. C'est Manu. Alors Manu, est-ce que tu as choisi ton questionnaire ? Oui, je me suis mute, donc ça marche moins bien. Ouais. Alors dis-nous, les chansons... Je vais prendre les traductions de chansons. Les traductions de chansons, très bon choix. Je sais pas si tu as quelques points, mais... D'accord. T'es prête ? Moins motivée que tout à l'heure. Alors c'est parti, t'es prête ? Première question. Je me lève, je retourne dans la rue. J'ai fait mon temps, j'ai tenté ma chance. J'ai parcouru la distance, maintenant je suis de retour, sur mes pieds. Je suis un homme et sa volonté de survivre. Tant de fois, ça arrive trop vite. Tu changes ta passion pour la gloire, ne perds pas ton emprise sur les rêves du passé. Tu dois juste te battre pour les garder en vie. Allez, il a pas mis le refrain quand même, parce que ça aurait été un scandale. Ah, ça aurait été beaucoup trop facile. T'aurais pu faire une petite musique au départ quand même. Eh bien, je ne l'ai pas. Ça ne me dit absolument rien. Eh bien, c'était Eye of the Tiger, de Survivor. Mm-hmm. The eye. Pas vrai. Attention, deuxième chanson plus récente. Deux, trois indices, parce que ça va être une boucherie, sinon. Avant que tu viennes, j'allais très bien. Habituellement, je n'y prête pas attention. Et quand il est descendu, je te regardais dans les yeux. Soudain, je pouvais le sentir à l'intérieur. J'ai de la fièvre, alors peux-tu vérifier ? Main sur mon front, embrasse mon cou. Et quand tu me touches, bébé, je me retourne. J'ai de la fièvre, alors peux-tu vérifier ? I've got the fever ? Non. Ouais. Alors, faut que tu donnes un interprète. Hein. Elle a un interprète de I've Got the Fever. Donc je ne valide pas cette réponse, hein, Manu, désolé. C'était Fever, bien sûr, mais de Angèle et Dua Lipa, parce que j'ai mis aussi des trucs pour toutes les générations. Fever, c'est Peggy Lee, normalement. C'est quoi ? Peggy Lee qui chante Fever. Non, mais il y a pas cette version. Oui, il y en a plusieurs. Y a plusieurs versions. C'était la version d'Angèle et Dua Lipa. Donc, voilà. Alors attention Manu, troisième question. J'ai fait vérifier ma tête en avion gros porteur, ça n'était pas facile, mais rien n'est. Non. Quand je ressens du heavy metal, wouhou, et je suis des épingles et je suis des aiguilles, wouhou, et bien je mens et je suis facile tout le temps, mais je ne sais jamais pourquoi j'ai besoin de toi. Heureux de vous rencontrer. Un beau charabia, ça. C'était magnifique. C'est les Stones, ça. Non. Non. C'est pas ceux-là ? Non, c'est pas les Stones, c'était Blur avec Song 2. Il y avait un gros indice avec le Wouhou. Ouais, c'est clair. Nice to meet you. Alors attention, le prochain, si tu l'as pas, je pense que c'est la plus facile à venir. Oh, non, il y en a deux. La dernière. T'auras des occasions de scorer. Attention, en voilà une première. Superstar, d'où viens-tu? Comment ça va? Je sais que tu as une idée de ce que tu fais. Vous pouvez jouer en toute nouveauté avec toutes les autres filles ici, mais je sais ce que tu es, bébé. Regarde, tu as plus qu'une simple reprise, bébé. Tu as toutes les marionnettes avec leurs ficelles. Je fais semblant d'en être un, mais bon, je les appelle comme je les vois. Je sais ce que tu es, bébé. Ouais, elle est pas si facile, ça. Ouais, mais en fait, c'est surtout le départ, normalement. Si t'as raté le démarrage, à mon avis, c'est mort. Je refais la première phrase. Superstar, d'où tu viens, comment ça va? Je crois qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux. On peut pas proposer des conneries. Vas-y. Je suis sûr, mais avoir un verse... Même si tu le dis, mais comme ça, en version originale, ça doit être très dur aussi. Hein. On était sur Aqua Baby Girl. Non. Un peu peut-être pas la même période, il y a 10 ans d'écart, je crois. Oui, non, mais il fait... Ouais, super. Personne là, dans le groupe, là? Non. C'était Britney Spears avec Womanizer. Mais t'as pas choisi la plus facile de Britney Spears. Oui, t'aurais pris Baby One More Time. C'était gris. Il y en a d'autres des plus évidentes. Alors, attention, nouvelle question. On est sur 0 points, Manu, quand même, merde. Pourtant, c'est simple, pas du tout. J'aurais pas dû. Ah, c'est une question de la raconte. La paranoïa fleurit, les transmissions radio vont reprendre, ils essaieront de commercialiser des drogues qui nous maintiendront tous stupides, et j'espère que nous ne verrons jamais la vérité autour, alors allez. Ça, c'est le dernier pamphlet publicitaire de la Scientologie. Des noms. Alors, tu peux t'en sortir si tu traduis le début et la fin, je pense. La paranoïa fleurit, les transmissions radio vont reprendre, et à la fin, c'est pareil, alors, c'est pas la plus connue, non, mais... Elle est quand même au cahier crayon pour réussir à traduire. Allez, même en traduisant, c'est chaud, quoi. Ah oui, c'est méga chaud. Je l'ai pas de prendre. Hein. Non, mais voilà, comme ça c'est fait. Hein, je m'étais fait avoir il y a quelques années avec Carlos aussi. Ah oui, c'est vrai. Faire ça en anglais, on traduit en anglais des chansons françaises. Oui, en même temps, vous aviez promis 10 chansons sur 12 que tout le monde connaissait. Mais là, en vrai, il n'y en a qu'une. Hein. Non, mais vous connaissez les chansons. Après, ça veut pas dire que vous arrivez à les reconnaître. Personne là, c'était Muse avec Uprising. Oh, enfin, vous connaissez Uprising de Muse normalement. Bon, là, moi, je l'ai déjà entendu, mais j'écoute pas trop Muse, par exemple, tu vois. Alors attention, là, on change de continent. Je n'ai jamais vraiment l'indice nul. Je n'ai jamais vraiment su qu'elle pouvait danser comme ça. Et elle donne envie à un homme de parler espagnol. C'est quoi ton comment tu t'appelles? Si Bonita, si ta maison. Oui, c'est vrai. Quand tu parles comme ça, tu rends une femme folle. Alors sois sage, si, et continue, si, lire les signes de mon corps. 1, 2, 3, 4. Un, dos, tres, un pasido, la Maria. Non, un dos, tres. Il n'y a pas Maria déjà. Despacito. Gabi. C'est pas Despacito? Non. Non. Despacito, ça aurait été lentement. Ouais. C'est pas Shakira, ça? C'est Shakira, ouais. Ah, c'est Shakira, ouais. C'est Hips Don't Lies avec les gars. Je n'ai jamais su qu'elle pouvait danser comme ça. C'est quoi ton nom? Bonita. C'est quoi ton lama? Alors, la prochaine, je. La prochaine est très très simple. On retraverse de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, attention. Espace vide. Pourquoi vivons-nous? Lieu abandonné, je suppose que nous connaissons le score, encore et encore. Oh putain, en plus il nous a fait. Est-ce que quelqu'un sait ce que nous recherchons? Un autre héros, un autre crime insensé, derrière le rideau, dans le pantomime, resté en ligne. Est-ce que quelqu'un veut encore le prendre? Ah, celle-là, je la connais. What are we looking for? Another hero. Non. Another mindless crime. Ah bah si. What are we looking for? Je te la donne, ça commence par un cul. Ah, c'est Queen, merci. Ouais, c'est je le donne. C'est surtout le titre qu'on veut. Le titre, tu l'as. C'était Show Must Go On. Must Go On. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, si, celui-là, ça va. Alors, un point, je suis pas famille. On reste dans le rock assez classique, pas évident, je trouve cela. Regarde-moi sortir du coucher du soleil, sur votre écran de télévision couleur, dehors pour tout ce que je peux obtenir, si vous voyez ce que je veux dire. Les femmes à ma gauche et les femmes à droite, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de couteau, ne commence pas de combat. C'est introuvable. C'est introuvable pour moi. Sylvester Stallone. Non, c'était assez décevant. TNT. TNT. Oui, alors la prochaine, tu peux la trouver, mais il y a un twist. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens t'as le seum, j'ai la boca. Oh, je entre sais. Il y a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, fais du sale. Allô, allô, allô. Million de dollars, bébé, tu veux ça. Bébé, fais du sale. Allô, allô, allô. Je l'ai aussi. Tu vois ça. Ah non, je sais pas, c'est moi qui boy dis. Ne joue pas, bang bang bang. Je suis gang or game, boy ne joue pas, bang bang bang. Il a osé. Alors Gabi, est-ce que tu veux révéler le twist? Ouais, c'est Aya Nakamura, Pookie. Oui, et ça n'est pas une chanson traduite. Et oui. C'est l'original. Bien. Allez, une prochaine, elle est pas très... Celle-là est très simple, je pense, peut-être une des deux plus simples du questionnaire. Elle ressemblait plus à une reine de beauté d'une scène de film. J'ai dit ça, ça ne me dérange pas, mais qu'est-ce que tu veux dire, c'est moi? Ça, cette phrase est géniale. Qui dansera sur le sol en rond? Elle a dit que c'était moi qui danserais sur le sol en rond. Alors, peut-être la première phrase peut t'aider, qui est vraiment la première phrase de la chanson. Elle ressemblait plus à une reine de beauté d'une scène de film. Ça, c'est du ABBA? Non. C'était Michael Jackson, Billie Jean. Billie Jean. Alors, attention, un groupe anglais très célèbre. Imaginez-vous dans un bateau sur une rivière avec des mandariniers et des ciels de marmelade. Quelqu'un t'appelle, tu réponds assez lentement. Une fille aux yeux kaléidoscope, fleur de cellophane jaune et vert, dominant ta tête. Cherchez la fille avec le soleil dans les yeux et elle est partie. C'est pas les Beatles, ça? C'est les Beatles. Ça sonne comme les Beatles. Et quelle chanson, du coup? C'est la poésie des Beatles. The Girls with the Sun in Her Eyes. C'est pas Yellow Submarine. Moi, je l'ai, moi. Non, cherche bien Manu, tu l'as. Redonne-moi. Ton titre est pas mal, hein. Mais c'est pas ça, mais il est long comme ça. Tu peux me redonner les paroles? Refais-lui, Imaginez-vous dans un bateau sur une rivière avec des mandariniers et des ciels de marmelade. Quelqu'un t'appelle, tu réponds assez lentement. Une fille aux yeux kaléidoscope, fleur de cellophane jaune et vert, dominant ta tête. Cherchez la fille avec le soleil dans les yeux et elle est partie. Ça parle de drogue, non? Oui. See in the sky, diamonds. Voilà. Oui. Salut. 2 points pour Manu, et c'est un beau... Enfin, c'est qui en veut beaucoup sur le questionnaire. C'était chaud. Attendez, il reste une question. C'est la plus facile. C'est la plus facile, Manu. Tu peux pas la louper. Alors attention. Je suis bleu. Tu es prête parce que celle-là, tu peux la voir et il faut vraiment rester concentré. C'est pas très dur, ok. S'il n'y avait pas eu Jean œil de coton, je serais marié depuis longtemps. D'où viens-tu? Où es-tu allé? D'où viens-tu, Jean œil de coton? Cotonaïde Joe. Non. Bravo, Manu, 3 points. Jean œil de coton. Ah non. Ah bah évidemment. Cotonaïde Joe. Cotonaïde Joe. La dernière chanson des Beatles. Et d'où viens-tu, où es-tu allé? Ils auraient pu me mettre aussi « Je suis bleu, da-de-di, da-de-da, da-de-di, da-de-da, je suis bleu, da-de-di, da-de-da ». C'est vrai, c'est vrai. J'ai pris le questionnaire le plus hardcore de... Mais il faut. Mais il fallait prendre, donc 3 points pour Manu, bravo. Et c'est Xavier qui est 3ème. Xavier, quel questionnaire vas-tu choisir? Alors, je vais prendre le questionnaire K-pop. Hein. Non, je te connais. C'était bon, de le seul film. Redis-moi, je pense que je vais prendre la route du Rhum, mais redis-moi les thèmes. Alors, il reste la route du chemin, ouais. La route des jeux 25, les CRPG. Pourquoi me laisser un truc bien, ouais. Il y a Stallone, il y a les musclés, et c'est tout. Stallone, les musclés. Je vais prendre la route du chemin. Parce que j'ai vraiment mes notes. Alors, c'est parti. Citer. Putain, c'est vraiment de la gruge. Citer un invité du dernier podcast, La route des jeux numéro 2. Eh bien, Xavier Blanchard. C'est une bonne réponse. Vous pouvez répondre également Alexandre ou Xavier. Voilà. Les deux marchaient un point. Ouais. C'était pour faire marcher mon ego. La chanson chinoise moche pour introduire la chronique sur Jiang Yan est une reprise de chant traditionnel de Noël. Mais lequel? Ah non, t'as pas le droit de dire ça. Parce que j'ai tout sur Jiang Yan, mais pas la chanson, putain. Jingle Bell. Oui. Oh putain, c'est une bonne chance. Réponse. Tu as bien écouté la version montée. Pas du tout. Ce que j'avais en tête. Parmi ces mécaniques, laquelle n'est pas utilisée par Jiang Yan? Placement d'ouvriers, deck building, draft, contrôle de la main, majorité, ressources. Ah putain, alors redis-moi. Placement d'ouvriers, c'est la question dure. Deck building, draft, contrôle de la main, majorité, ressources. Pour moi, il y a... T'entends quoi par contrôle de la main? Donne-moi un autre jeu qu'à ça. Je vois pas ce que c'est. Contrôle de la main, c'est Alexandre qui a inventé ce terme. D'accord, donc c'est draft, il n'y a pas de draft. Il n'y a pas de draft. Effectivement, il n'y a pas de draft. Ouais. C'est une bonne réponse. Quel jeu chroniqué n'est pas annoncé dans le sommaire au début de l'émission? C'est pas The Chant of Senar. Et non, il est annoncé dans le sommaire. Oh, j'ai pas lu le... Écoute, je crois que ça marche. La vraie réponse, c'était Belgian Beer Race, mais il me semble qu'on ne parle pas de Chant of Senar dans le sommaire non plus. Je vais l'accepter. Oui, c'est vrai. C'est un peu dérogatoire, mais ça marche. On l'a fait plutôt en joker et ça marche. Mais ça marche, oui. Merci, Maître Cheetos. Quel mot du XXe siècle a été utilisé pendant la chronique sur Acropolis? Est-ce que c'est chenapan, chamarré, calinotade, saperlipopette ou poudre de perlimpinpin? Ah la vache. Moi, dis-moi, s'il te plaît. Quel mot du XXe siècle a été utilisé pendant la chronique sur Acropolis? Chenapan, chamarré, calinotade, saperlipopette ou poudre de perlimpinpin? Par pur hasard, je vais dire chamarré parce que j'aime bien ce mot. Et c'est chamarré, bravo. Ah putain. Après les autres étaient plus compliqués à caser. Ouais. Ah, oh, peut-être ça, saperlipopette. Non, en fait, t'as raison. Je l'ai dit au pif, hein, mais parce que j'aime bien le mot. Alors, Acropolis est souvent rapproché d'un autre jeu de pose de tuiles de Bruno Catala durant la chronique. Mais lequel? Ah, j'ai pas noté ça. Un jeu de pose de tuiles, je vais dire Carcassonne. C'est pas celui que tu as évoqué, c'était King Domino, mais c'est pas idiot non plus. Ouais. Non, mais en fait, j'ai pensé à King Domino, mais Carcassonne, c'est des ouvriers que tu poses en fait. Ouais. Ah non, c'est aussi tuiles. Bah, tu poses des tuiles, tu poses des ouvriers. C'est vrai, ouais. Ça ressemble plus à King Domino qu'à Carcassonne. Ouais, ouais. Alors ensuite, la chronique sur Belgian Beer Race est introduite par une chanson intitulée La bière, interprétée par un illustre chanteur belge. Mais lequel? Brel. C'est une bonne réponse. Il y en a qu'un. Non, mais pour le coup, je connais aussi la chanson. T'as aussi Jean-Philippe Zouette, hein. Il était belge et il est vachement connu. C'est vrai. Oui, il y avait Patrick Bruel. Non, je ne sais pas aussi les belges. Il y avait aussi Henri Dess ou d'autres belges. Selon la chronique. Laquelle de ces qualités n'est pas un point fort de Baldur's Gate 3? Est-ce que c'est l'adaptation de D&D 5? Est-ce que c'est le pathfinding? Est-ce que c'est l'écriture des personnages? Est-ce que c'est la souplesse des quêtes? L'ergonomie ou la sensation de voyage? Redis-moi, s'il te plaît, les propositions. Alors, laquelle de ces qualités n'est pas un point fort? Est-ce que c'est l'adaptation de D&D 5, le pathfinding, l'écriture des personnages, la souplesse des quêtes, l'ergonomie et la sensation de voyage? C'est le deuxième. Redis-moi le deuxième, c'est quoi? Le pathfinding. Je vais dire ça. Effectivement, le pathfinding est à chier dans Baldur's Gate 3. Il y avait aussi l'ergonomie, la sensation de voyage qui ne sont pas là. Voilà, il y avait plein de réponses en fait. À quel jeu vidéo faut-il jouer en priorité avant d'envisager Baldur's Gate 3? Ça, c'est Baldur's dit Gate 2. C'est dit dans la chronique. Baldur's Gate 2 ou Baldur's Gate tout court? Non, C'était Zelda. Il faut jouer à Zelda Tears of the Kingdom avant, parce que c'est mieux que Baldur's Gate 3. Voilà. Nouvelle question. Selon la chronique, avec quoi n'a rien à voir Ark Nova? Terraforming Mars. Mais non, c'était avec les yaourts ou avec les armes d'Indiens. Ah putain, le bâtard. et t'as pas d'excuses. Alors, j'ai pas d'excuses, mais moi, je pensais à ça, quoi. Ça m'énerve, les gens disent, c'est comme Terraforming Mars. Pas tu vrai. Restes à 6 points. Attention, quel est l'animal fétiche de Balou? Le dauphin. Oui. Alors, je dis à tous les gens qui écoutent le podcast, s'il vous plaît, trouvez un truc un peu kill dauphin et offrez-le à mon frère, il va adorer ça. Enfin, il a un musée chez lui. Ouais. Bah ouais, c'est vrai, il a un musée consacré aux dauphins. Bon, bah, on va le peupler. quelle est la durée de l'épisode? De l'épisode 25? 20 minutes, 45 minutes, 1 heure ou 1h40? 1 heure. 1 heure, c'est une bonne réponse. Xavier qui s'envole. Hein. 8 points pour Xavier. Bravo. Donc Manu, désolé, hein, c'est une élimination. Ah, je suis vraiment déçu et étonné. Et étonné qu'on ait réussi à me surpasser. Alors, les CRPG, un style très isométrique, Sylvester Stallone, un questionnaire musclé, les musclés, un questionnaire sans Stallone. Stallone. Je vais prendre Stallone. Très bien, Stallone, très bon choix. Première question, quel est un des surnoms de Stallone qui sera utilisé pour renommer, suite au succès de Rocky, un film érotique qui s'appelait The Party at Kitty and Studs, dans lequel il joue au tout début de sa carrière? Hein? Ah. Sly. Comme... Sly, non, c'était l'étalon italien. Ah. J'aurais dit Adrienne. Adrienne. Alors, deuxième question. Quel film sorti en 1983 est la suite de La fièvre du samedi soir, mais cette fois réalisé par Stallone, et toujours avec Travolta, mais avec Frank Stallone à la place des Bee Gees pour la musique? La gueule de bois du dimanche matin. Il n'y a pas Stallone dedans, c'est lui qui réalise. C'est la suite de La fièvre du samedi soir. Et je vais donner un petit indice microscopique, c'est que ça a toujours un lien avec les Bee Gees, même s'ils sont plus là. Oui. Réalisé par Sylvester Stallone. Oui. Ah. Je ne dis rien. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui, Staying Alive. C'était Staying Alive. Ah. Et qui est très mauvais. Ah. Parce que la musique de Frank Stallone, c'est pas la musique des Bee Gees. C'est vraiment mauvais. Stallone a réalisé quelques films dans sa carrière et c'est plutôt un réalisateur très correct hein, pour ce qu'il fait. C'est pas toujours la technique, mais souvent c'est plutôt correct. Troisième question, Guillaume. Donc pour l'instant, chou blanc comme on dit. Stallone fait un caméo dans l'intro d'un film français de 2003 produit par Luc Besson et réalisé par Gérard Kratchik. Lequel? Besson en 2000. Luc Besson. Ouais. Produit par Besson. Je m'en souviens, moi. C'est un excellent film, bien sûr. Ah oui, bah oui, j'imagine. Forcément, produit par Besson. C'était très mauvais. Est-ce que tu as une réponse? Un taxi, non? Le taxi, quelque chose Alors, faut donner un numéro aussi. Hein. Faut donner le bon numéro. C'est le. Ouais. Ah ouais. C'est effectivement la taxi. Combien? Les taxis 3. Allez, c'est un point. Bravo Guillaume. Un homme de goût. En même temps, c'est logique parce que taxi 2, c'était avec les Allemands, donc ça marchait pas. C'était avec les Japonais, le 2, non? Ah non. J'en reviens pas d'avoir trouvé cette réponse. Oh, alors, du coup. On a pas répondu, c'est ça? Alors, donc. Quatrième question, dans quel film titré Duo de choc au Québec, sorti en 89, Stallone fait équipe avec Kurt Russell et se dispute le titre de meilleur flic de Los Angeles et sont les victimes d'un complot monté par un baron de la drogue et du trafic d'armes? Tango et Cash. Yeah, 2 points. Bon, enfin, un bon film. Dans son jus. Ah oui, si tu commences à me chercher sur des vrais films. Quel groupe de hard rock américain, originaire de Chicago dans l'Illinois, devient particulièrement célèbre dans les années 80 en composant le morceau donnant le sous-titre à Rocky 3, ainsi que Burning Heart de la BO de Rocky 4? Pearl Jam. Et non, c'était Survivor. avec Eye of the Tiger, qui donne le sous-titre à Rocky 3, l'œil du tigre. Reste à deux points. Attention, question géopolitique. Selon le colonel Trotman, dans Rambo 3, où sont localisés les missiles? Alors, quelqu'un a soufflé. Hein. Ah oui, j'aurais dit. Mais... C'est Diane qui a niqué le truc? Non, c'est Diane est partie, c'est Manu qui a soufflé. Manu qui dit de la merde. Mon micro est coupé, je vois pas de quoi vous parlez. Bah, c'est parce qu'on t'entend dans le micro de Seb. Donc, ils sont situés les missiles, donc du coup? Ils sont situés dans ton cul. C'est ça. C'était la bonne réponse. C'était sérieux. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Voilà. Une grosse qualité d'écriture de dialogue. Dans Demolition Man en 93, à quoi servent les trois coquillages? C'est une bonne question. C'est pas quoi ça. Personne ne sait. C'est un classique. Bah, ils servent à s'essuyer. Ouais, je vais accorder le point. Effectivement, ils remplacent. Ils servent aux toilettes. Ils remplacent le papier. Mais on ne sait pas. Bah oui. Non, je disais, vous taperez, il y a des mèmes dessus qui sont très rigolos sur des idées inventives de comment utiliser les trois coquilles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a plus de. Il n'y a plus de papier toilette. Vous avez dit papier toilette? Oh. Au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec trois coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des trois coquillages. Je conçois que ça puisse être déroutant. Alors, nouvelle question. Selon Ivan Drago dans Rocky IV... Que se passe-t-il si Apollo Creed meurt? Guillaume? Ben ne sait plus ce qui se passe. Non, mais il faut imaginer que c'est les dialogues de Rocky 4, hein, donc il ne faut pas que tu ailles chercher. Ouais. Bien fait pour lui. Non. La réponse, c'était s'il meurt, deux points, il meurt. Creed a visiblement pris un très mauvais coup. Mais il est mort ou il est vivant? Remets-toi, allez, Apollo, remets-toi. S'il meurt, il meurt. C'est propre, ça rime en plus, c'est beau. Oui. C'est une rime riche. C'est une rime riche. On rappelle quand même que dans Rocky 4, Rocky met fin à la guerre froide quand même. C'est vrai. Exactement. Alors, attention, petite question trivia. Dans quelle comédie d'action sortie en 92 et surfant sur la vague de Un flic à la maternelle, Stallone a-t-il signé suite à une manipulation de Schwarzenegger faisant croire qu'il était intéressé par ce script alors qu'il le trouvait particulièrement mauvais? Arrête ou maman va tirer? Oui, c'est une bonne réponse. Cinquième point. Arrête ou maman va tirer. Effectivement, Schwarzenegger fait croire qu'il allait signer pour ce film et que c'était un super, super script. Et finalement... Stallone a voulu couper l'herbe sous le pied de Schwarzenegger, signé pour ce truc. Moi, je l'aime bien. C'est très mauvais, mais je trouve ça passe. Alors, attention, question difficile. Quel téléfilm produit par Sly en 90 et piloté par Jackie, sa mère, présente des femmes de boxe, lutte et kung-fu, s'adonnant à la lutte et à la boxe, à des morceaux de comédie et de rap? Et donc c'est un film d'une heure et quelques avec notamment Tracy Lord. Comment s'appelle ce téléfilm? Quel téléfilm? Guillaume? Je ne sais pas. Ah, c'est vraiment la question dure. C'était Miss Rocky? Non, c'était Stallone's Knockout. Ah ouais. Ouais, vraiment. Voilà. Vous pouvez regarder des images sur YouTube, ça grille le cerveau en quelques secondes. En 87, dans quel film de Menahem Golan? Menahem Golan, producteur de Delta Force, Enter the Ninja et une bonne dizaine de Van Damme, Stallone interprète un champion de bras de fer se déroulant prochainement à Las Vegas, dont le vainqueur emportera 100 000 dollars et un camion flambant neuf et la perspective de revoir son fils que sa belle-mère veut lui arracher. C'est over the top. Oui, c'est over the top. Sixième point pour Guillaume, qui égalise. Ah non, qui égalise avec Benoît, il y aura bagarre. Dernière question, pour passer devant Benoît, voilà. Stallone apparaît dans Last Action Hero de John McTiernan, avec Schwarzy, mais de quelle manière? Il faut répondre. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Y a un truc, attends. Il apparaît pas, c'est pas lui qui remplace Schwarzy dans un film. Il est à la place de Schwarzy. Il n'est pas, pas à l'affiche d'un blockbuster de Schwarzy, putain. Alors, oui, mais il me faut le titre, hein. Là, je ne peux pas donner le point. C'est effectivement ça, c'est... Terminator. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît, les films de Schwarzenegger. Les films étrangers sont au fond. Non, les films d'action. C'est un super-héros. Sur ta gauche, au centre. Non. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il est fantastique. Il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non, mais dans ce film, c'est toi qui joue. C'est toi, Terminator, c'est pas lui. Vous avez joué dans un film? Oui. Ça s'appelait... Attendez, La Blonde de mes rêves. C'était avec vous. Je me souviens très bien, on avait une scène très passionnelle à jouer. C'est tout à fait correct. C'est un septième point et il passe devant Benoît. Désolé Benoît, ça ne sera pas de finale cette année. Et bravo Guillaume qui fait quand même 7 sur 10. C'est combien 10 points 12 points, je ne sais plus. Sur 12. Ouais, 6 sur 12. Bravo, 7 points. Nous passons à Gabi. Nous avons un questionnaire. Gabi, ça va être chaud. Un questionnaire sur les musclés ou un questionnaire sur les CRPG, un style très isométrique. Oula. C'est sur les jeux de rôle sur ordinateur et console, les jeux de rôle qui ne sont pas des jeux de format japonais. Japonais. Le plus simple, ce serait lequel? Aucun des jeux, malheureusement. Le plus fun, c'est lequel? Non, mais... Le plus fun, c'est celui des... Le but, c'est pas de se foutre de ma gueule non plus, hein. C'est bien gentil, mais bon. Je pense que tu peux faire quelques points sur celui des musclés. Alors, ça dépend, si t'as fait un peu de jeux vidéo... Si t'as fait un peu de jeux vidéo, tu peux faire un point ou deux, je pense. Celui des musclés, au pif, tu peux peut-être en faire deux ou trois. Je pense que tu peux faire plus de points sur celui des musclés. Bon. Tu ne perdras pas. Et moi, je suis pas d'accord, mais bon. Pas bon. On fait les musclés. Ouais. Allez, première question. Comment s'appelait... Alors, attention, question pas très dure. Comment s'appelait le premier sitcom dans lequel apparaissaient les musclés dans le Club Dorothée entre 89 et 94? Je sais pas. Cherche pas très loin, dis un truc au pif. Tu peux répéter? Comment s'appelait le premier sitcom, la première série dans laquelle apparaissaient les musclés dans le Club Dorothée entre 89 et 94? Ça sonne un peu comme bonjour les mecs baraqués. C'est... Au Québec, je crois que ça s'appelait comme ça. Non, non, je sais pas. Bon, vous l'avez, hein, Xavier. Salut les musclés. Salut les musclés. Deuxième question que tu n'auras pas, du coup, si tu l'as pas, Xavier va répondre derrière. Comment s'appelait le second sitcom intégrant plus de moyens et de décors entre 94 et 97? Bah non, je sais toujours pas. Est-ce que quelqu'un l'a? Pas de croissant pour les musclés. Je suis à peu près sûr qu'il y avait Igege dedans. Oui. Deuxième aussi. Il est toujours là. De toute façon, il y a toujours les mêmes acteurs dans ces trucs. C'était La Croisière Folle Amour. Ah oui! Troisième question, quelle série signée AB Productions pour le Club Dorothée entre 87 et 91 compte 139 épisodes de 15 à 30 minutes, mais notamment en scène les musclés et des animateurs du Club Dorothée, ainsi qu'un invité de la télévision de la chanson dans des histoires humoristiques improvisées et souvent absurdes, recourant fréquemment à la mise en abîme? Tous les épisodes sont tournés avec la technique du fond bleu, incorpore des petits sketchs, des clips, maisons, etc. Notamment, si tu as vu le clip de Carlos Papayou, il vient de cette émission-là. Exactement, Guillaume. Ah oui, indice ok. Chocolatine. J'essaye de donner des petits... Oui. L'indice, c'est chocolatine. Ouais. Ah, c'est... J'aurais dû prendre ce truc. Ouais. Non, mais et franchement, t'as pas trouvé. T'es sûr que tu veux pas rechanger sur les jeux vidéo, ma pauvre Gabi? Parce que là, c'est que. Mais je ne connais aucun des trucs. Non, tu connais aucun des trucs, ça peut non, c'est clair. Chaud, je pense que effectivement je relis le truc, mais. Non, mais ça va être introuvable. Écoute, je switch sur les jeux vidéo, la réponse était pas de pitié pour les croissants. Croissants. Et après, la question. Attends, je vais peut-être faire la plus simple de celle-là. Tu connais vaguement les musclés ou pas de nom, ce qu'ils ont fait coup, ouais. Rien du tout, du tout. Ah non. Mais je pense que tu connais même pas le club Dorothée, Gabi. Si, un peu. Bah, je connais deux noms, quoi. Je vais te poser la plus simple du questionnaire et après, ça passe aux jeux vidéo. Ça fera 4 questions musclées et 6 questions jeux vidéo. Comment se nomme l'hymne du barbecue interprété par les musclés? Ce qui me permet de rappeler qu'on ne pique jamais les saucisses. je pense que je l'ai déjà chanté à la maison. Ah ouais? J'ai déjà chanté à la maison. Mais il y a longtemps, en fait. Oh bah non, vraiment, je sais pas du tout. Si. Ah ouais? Il y a un nom dedans d'un type de saucisse suivi d'un nom de type de fête. La merguez partie. Oui. Ah ouais. La dernière question musclée, parce que celle-là, je pense que tu peux y réussir. C'est la question la plus facile. Lequel de ces thèmes n'est pas présent sur les diverses chansons des musclés? Attention, je vais lister les thèmes. Il y en a un qui n'est pas présent sur les univers musclés. La fête, les filles, un univers rural, le saucisson, Monsieur le maire, ou la dynamique longue d'un système productif localisé, l'industrie de la montre en Franche-Comté. Comptez. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un piège. Oh, ah non. Non. Hein? Alors je répète, est-ce que lequel n'est pas un thème des musclés, la fête, les filles, un univers rural, le saucisson, Monsieur le maire, la dynamique longue d'un système productif localisé, l'industrie de la montre en Franche-Comté? Bah, le dernier, il me paraît un peu trop précis, mais... Bah ouais, hein, je vais dire le dernier, même si... C'est une bonne réponse, effectivement. Ah bah. Les musclés n'ont jamais évoqué la dynamique longue d'un système productif localisé, l'industrie de la montre en Franche-Comté. Par contre, c'est un sujet de thèse véritable soutenu en 2004 par Evelyne Ternant, sous la direction de Claude Courlet, Université Pierre Mendès France à Grenoble. 90. Et la fille de Courlet. Et... Il n'y a pas de lien. Ça me fait penser à mon intitulé de colloque préféré, qui est « Comment faire rentrer un bébé dans une amphore ou les rites funéraires gaulois chez les enfants en bas âge ?» Bah, je ne l'ai pas. J'ai essayé de sélectionner les questions jeux vidéo qui sont un peu plus de ton... le plus possible de ta génération. Il m'en faut... Allez, on tente quand même. Il y a quelques points à choper quand même. Ok. Alors, attention. Et on cherche le nom d'une série démarrée par Black Isle Studio en 97, suivi d'un deuxième épisode lui aussi en 2D. Il change de main dès le troisième épisode pour continuer ses aventures en 3D chez Bethesda dans un monde post-apocalyptique aux États-Unis. Je peux peut-être aider, hein, si jamais, vu que je répondrai sans doute pas aux questions d'après. Si jamais Gabi répond. Si elle répond pas, tu peux enchaîner, ouais, si tu veux. Gabi, toi de dire. Non. Bah, dis un jeu vidéo que tu connais. Tu peux répéter ou pas, même si... Ouais, c'est une série qui a commencé en 97 et qui tourne en 3D dès le troisième épisode et qui est dans un monde post-apocalyptique aux États-Unis. Je peux être Joker, si vous voulez. Bah ouais, que... parce que vraiment, je sais pas. Basse. J'aurais dit Fallout. C'est Fallout, ouais. Mais du coup, après, moi, du coup, je suis plus sélectionné, c'est pas grave. Bah non, tu oh, il n'y a pas de soucis, c'est juste comme ça. Prestige de donner ouais, une ouais, réponse. Quoi. J'avais cliqué aussi, c'est pour ça. Alors, une série débutée en 96 qui compte aujourd'hui 5 épisodes. Ses caractéristiques récurrentes sont un contexte scolaire, un groupe de lycéens comme protagoniste, un héros muet, semblable à la franchise, comme dans la franchise mère Megami Tensei, Shin Megami Tensei. Depuis 2006 et le troisième opus, la série principale utilise un système de liens sociaux tirés de jeux de drague qui influe directement sur l'évolution des personnages. Il est trop bien ce jeu. Est-ce que ça te parle? Un jeu japonais qui était sur les consoles Sony principalement au début. Ouais, avec des mécaniques. En gros, c'est à moitié du Pokémon et à moitié du jeu de drague ou de vie lycéen. Est-ce que tu l'as, Gabi? avec des démons. Non. Vous l'avez, ce qui... Persona ? Persona, oui. J'ai pas le nom, mais je sais que c'est. C'est Persona, effectivement. Et notamment le Persona 5, enfin le 4 avait déjà fait grand bruit, même si elle a commencé avant, mais le Persona 5 a vraiment été un énorme succès. Il est génial. Il est un peu long sur la fin, mais il est génial. Mais les donjons sont un peu nuls, par contre. Non, pas dans le 5. Dans le 5, ils sont... Dans le 4, dans le 4. Dans le 4, ouais. Alors attention, plus récent. Attention, plus récent. La franchise démarre en 2007. Développée par BioWare, elle s'apparente à un feuilleton spatial. En 2148, l'humanité découvre une technologie d'origine extraterrestre lui permettant de partir à la conquête de l'espace. Aujourd'hui, la saga compte une première trilogie et un quatrième opus sous-titré Andromeda. Gabi, est-ce que ça te parle ? Non. Quelqu'un là ? J'aurais dit BioShock, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. Mass Effect. Ouais. C'est Mass Effect. Ah oui. Deux mots que t'as dit, ça me parlait, mais j'arrivais pas à remettre le jeu. Alors, question. Alors là, Gabi, c'est pour toi. Enfin, je veux dire, si tu réussis pas celle. Enfin, c'est celle qui, je pense, est la plus accessible pour toi. Ah bah, super. Franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996. Présente en particulier en jeux vidéo dans un style JRPG ultra classique, mais aussi dans des séries et un jeu de cartes. La série compte aujourd'hui plus de 20 épisodes, ainsi que d'innombrables épisodes dérivés. On y incarne un jeune chasseur de monstres abandonné par ses parents et devant arpenter un monde hostile équipé d'un simple sac à dos et d'un animal de compagnie. Pokémon. Oui. Ok. Bon, ensuite, là, celui-là est pas compliqué non plus, t'as entendu le nom, je pense, hein. Série de jeux vidéo, de jeux de rôle en point and click en deux dimensions, débuté en 98 par Black Eyed Studio, se déroulant dans l'univers des décors de campagne des Royaumes Oubliés de Donjons et Dragons. La série principale, connue sous le nom de Ballspawn Saga, connaît trois opus possédant des extensions, sorties entre 98 et 2023. Et elle a donné naissance à une série dérivée appelée Dark Alliance sur console. Non, vraiment, je sais pas. Bon, vous l'avez, hein, je pense. La porte de Baldur. Ouais, Baldur's Gate. On a parlé du 3 tout à l'heure, Baldur's Gate. Bon, celle-là, c'est pour, je pense que c'est pour l'audience complète. Cela dit, tu vas peut-être connaître un des épisodes qui a eu quand même... Série de jeux développée par CD Projekt et démarrée en 2007 par un épisode qui va se voir améliorer drastiquement au fil du temps. Elle compte aujourd'hui 3 épisodes et reprend une saga littéraire et a été depuis déclinée en jeux de rôle papier, jeux de société et séries télé sur Netflix. Le héros et le personnage joueur est un mélange de guerriers magiciens, humains ayant subi à dessein des mutations génétiques dont le travail est d'oxyre des monstres en échange d'un paiement. Ostracisé par la société, il évolue en solitaire, bien qu'ayant un cercle d'amis, lesquels constituent des personnages non-joueurs récurrents de la trilogie. Moi je l'ai. Ah ouais? Ouais. Je pense que tu connais cet univers. C'est possible. C'est coin to you. T'as dit que c'était sur Netflix? Enfin, c'était un truc qui était aussi sur Netflix? Ah, la série, elle est sur Netflix. Ouais. On l'a vu ou pas? Pas toi. Ah. Est-ce qu'on peut donner l'acteur principal? Je passe à l'aider. Ah, d'accord. C'est Superman. Avec le futur James Bond, c'est mon guest pour le prochain James Bond. Henri Cavill. Non, tu peux répéter en vite fait la question, s'il te plaît? Ouais, en fait, on incarne un... Alors, c'est une saga littéraire qui a été déclinée en jeu vidéo, puis ensuite, bien après, en série. Il y a 3 saisons sur Netflix. Le héros... Il y a même une série... Il y a une mini-série animée aussi. Le héros et personnage est un joueur, est un mélange de guerrier magicien qui a subi des mutations génétiques. Et son objectif, il a subi des mutations génétiques pour buter des monstres en échange de paiement. Et la société ne l'aime pas, il le considère également comme un monstre, et du coup il évolue en solitaire. Il a un cercle d'amis assez restreint, il y a pas mal de politique dans cette saga également, et il y a des sorcières, qui sont en fait des personnages féminins assez puissants et manipulateurs. Ça me dit un truc, mais non, je l'ai pas. Bon, vous l'avez ? Ouais, The Witcher. The Witcher. Ah ouais, bah. Et la dernière pour la forme, série de jeux vidéo d'action RPG développée et éditée par Square Enix, qui marque l'association entre Disney Interactive Studio et l'univers des jeux de Square, mais dans un univers parallèle. La série débutée en 2002 compte aujourd'hui 4 épisodes numérotés, mais une vingtaine de spin-offs et épisodes intermédiaires, formant une grande trame narrative absolument imbitable. Oui. On y joue notamment Mickey, Donald, les persos de Final Fantasy. Voilà. Wow. Avec des armes en forme de clé. Oui. Oh, je sais pas. Il y a eu des mangas pas mal aussi. Ah, attends. C'est sorti en manga ? Ah ouais. T'as dit oui, je l'ai. Et. Attends. La révélation du manga. Y a un mélange avec des trucs de Disney et tout. Ouais. Ouais. Exactement. Ce serait pas. Bah, j'ai un nom qui me vient en tête, mais je sais pas. Kingdom Hearts. C'est ça. Ouais, ah ouais. 4 points. 4 points, bravo quand même, parce que là, t'arrives sur les derniers questionnaires. C'est chaud. Ouais. En vrai, il y avait quelqu'un. Et avec K-pop au manga, elle nous défonçait. Hein. Non, mais. mais c'est que j'en ai deux des tomes de ça, du coup. C'est pour ça, c'est le Disney et manga qui m'a. Et est-ce que l'histoire est. Enfin. Est-ce qu'on beat quelque chose ? Est-ce que c'est compréhensible ? Parce que les jeux vidéo, tu lis les résumés des jeux, c'est à qui a écrit ça, quoi ? Ah c'est... non, mais j'ai que les tomes 5 et 6, j'ai pas les autres. D'accord. Et on comprend ce qui se passe ou pas ? Je sais pas, parce que du coup, j'ai pas lu le début. Commencer par le 5, c'est rarement. Merci, Gabi. Bah, du coup, on a Xavier et Guillaume en finale. Ah... Le duel. La finale. Ah. Et Guillaume, t'as vu, dès qu'il y a un buzzer pour éviter les triches, tu es en finale. C'est incroyable, c'est pas mal. Hein. Ouais. Le grand duel à mort. Donc, thème une tradition. Alors, Guillaume. D'origine germanique, je me suis développé au 19e siècle avec des phrases tirées de l'Évangile. Gerhard Lang est le premier à me commercialiser en 1908. Xavier, j'ai pour origine les images qu'on remettait aux enfants pour les inciter à être sages avant Noël. Le calendrier de l'Avent. C'est une bonne réponse, j'accepte. 3 points pour Xavier. Ça dit les images. Guillaume, un jeu de société. De société. Ouais. Tu prends ou tu laisses ? Je laisse. Tu laisses. Xavier, je suis un jeu de société faisant principalement intervenir des cartes publiées par Ripo Productions en 2010 et récompensées par plus de 30 prix internationaux. Guillaume, je suis basé sur le système du draft et je force mes joueurs à bien gérer leurs ressources afin de développer les différentes parties de leur civilisation. Xavier. Seven Wonders. Ah, Seven Wonders pour Xavier, j'avais passé, mais ça sera que 2 points malheureusement. Du coup, effectivement, jeu créé par Antoine Boza, décomposé en 3 âges pour compter jusqu'à 7 joueurs. Mon nom retrace mon thème principal calqué sur les merveilles de l'Antiquité. Je suis Seven Wonders. Tout ouais, à fait. Ça s'est pas joué à grand chose, mais effectivement, tu avais commencé à dire le nom de Xavier, donc c'était. Tout à fait. Donc 5-0 du coup pour Xavier. Alors, thème pour Xavier, chanteuse des années 2000. Je laisse la main. Ok. Guillaume, je suis une chanteuse anglaise, née le 14 septembre 1983 à Londres et morte le 23 juillet 2011 dans cette même ville. Amy Winehouse. Auteur, autrice. Pardon, tu dis ? Amy Winehouse. C'est tout à fait Amy Winehouse. Bravo. Ah, bien joué. 4 points. Bien joué. Autrice, compositrice, interprète et guitariste, je suis connue pour ma voix caractéristique, rappelant celle de Dinah Washington, Sarah Vaughan ou encore Randolph Jackson. Ma musique a un mélange de cheese comme le jazz, le blues ou encore la soul. J'ai publié mon premier album Franck en 2003, aussi connu pour la coiffure, mes tatouages et mon maquillage, appuyé à l'eyeliner. J'ai beaucoup fait parler de moi à cause de mes problèmes de dépression et de toxicomanie. J'obtiens plusieurs Grammy pour mon titre Rehab et mon album comme ma chanson Back to Black, un des albums les plus vendus de l'histoire. Je suis Amy Winehouse. Bravo Guillaume. Plusieurs Grammy et plusieurs grammes aussi. Hein. Oui. 5-4. Thème gastronomie. On était. C'est à qui de reprendre la main là, j'ai perdu le. Attends. Je pensais Guillaume de choisir. C'était à Guillaume de choisir. Gastronomie. Je laisse. Tu laisses. Alors, Xavier. Préparation déjà mentionnée par Pline l'Ancien. On m'appelait électuaire au Moyen-Âge, où j'étais utilisé comme traitement médical. Guillaume. D'après les paroles d'une chanson de 1973, je dégouline. Composé de fruits bouillis avec du sucre jusqu'à épaississement, je peux me solidifier après refroidissement. Xavier. Confiture. La confiture, tout à fait. Ça dégouline, ça passe par les trous de la tartine, c'est la chanson. Deux points pour Xavier. J'avais tant de conserver des fruits fragiles ou trop mûrs, je peux contenir des gélifiants ou du jus de citron. Très apprécié au petit déjeuner, je suis la confiture. Alors, un thème science pour Xavier. C'est chaud, parce que c'est un truc que je prendrais, mais le début, c'est toujours très dur. Alors, maintenant, je vais laisser la main à Guillaume. Ok. Alors... Guillaume, molécule organique découverte en 1835 par hasard par Henri Regnault et que l'on trouve fréquemment dans la vie quotidienne. J'ai pour formule C2H3Cl. Xavier, je peux être rigide avec un aspect lisse et mat, mais je revais un aspect brillant sous ma forme lisse qu'on utilise souvent en recouvrant les pièces métalliques. Le zinc. C'est non. Guillaume, préparé avec du sel de mer et du pétrole. J'entre dans la fabrication de bouteilles en plastique et de certains revêtements muraux. Vinyle ? Non. Les PVC ? J'ai pas la fin de la question. Attendez. Laissez la main à Xavier, là. Oui, donc la main à Xavier, laissez-moi juste remettre la fin parce que je le... Bien sûr, c'est pile poil le moment où il y a un truc là-dessus. Donc, Xavier, t'es prêt pour le dernier point ? On me désigne fréquemment sous un sigle de trois lettres dérivé d'une appellation anglaise. Le PVC, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Un point pour Xavier, du coup. Ouais, ça fait 8 à 4. C'est petite montée. Tout est possible, mais il va falloir briller. Ouais, c'est à... Du coup Guillaume, c'est à Guillaume de dire thème industrie du jeu. Du jeu ? Ouais. Je laisse. Tu laisses ? Ok. Xavier ? Applicable aux jeux de société comme jeux vidéo, je suis une pratique souvent critiquée comme démarche marketing par les joueurs. Guillaume, je vise à développer de nouvelles mécaniques ou fonctionnalités en m'appuyant sur un jeu existant. Oui ? J'allais dire un Kickstarter, mais... C'est non. Xavier, et je me démarque de la suite en m'appuyant directement sur une version existante du jeu et des mods avec une application officielle et contrairement au mode... Un portage ? Un portage ? C'est non. Ouais. C'est long. Guillaume, je peux être un DLC ou gratuit. Je suis très présent dans les jeux comme les Sims, Microsoft Simulator, Flight Simulator, ou bien les Aventures du Rail ou Seven Wonders pour les jeux de société. Une extension ? Une extension, tout à fait. Deux points, Guillaume. Je suis le substantif du verbe étendre. Une extension, tout à fait. Et donc, 8 à 6 points pour Guillaume. Ça se rattrape. Se jouer sur... En combien de points, en fait ? Bah, je pense qu'on va tous les faire, mais normalement, c'est 11 points. Mais donc, potentiellement, si vous vous débrouillez, on peut arrêter là. Xavier, une série télé. Je laisse la main. Tu laisses la main, d'accord. C'est risqué hein, sur la série télé. Guillaume, série télé américaine créée par David Benioff et D.B. Weiss et diffusée entre le 17 avril 2011 et le 19 mai 2019 aux US et au Canada. Et depuis le 5 juin 2011 en France. Elle compte 8 saisons. How I Met Your Mother. C'est non. Xavier, adapté de plusieurs romans de fantasy inspirés d'événements réels comme La Guerre des Deux Roses, Le Mur d'Adrien ou La Vie d'Henri VII Tudor, dans lesquels mon auteur, George R.R. Martin, Game of Thrones. Un politique complexe. Ouais. Trône de fer. Le trône de fer, Game of Thrones, c'est bon. J'ai trouvé qu'en indice à 3 points, c'est quand même bien payé. Ouais, bah c'était le R.R. Martin. Le problème, c'est qu'on le fait sur Xavier, qui est dans le truc. Donc, en soi, c'était un point. 3 points, donc il a 11 points, malheureusement. C'est la marre, c'est la stratégie. Oui, bien sûr. Non, mais puis, t'as eu des bonnes réponses sur les questionnaires d'avant. Hein. Bon, je vous fais les deux derniers pour le... Et puis, t'es au bureau de l'assaut, donc voilà. Je le mec par devant Sébastien qui a gagné en dernier. Je fais les deux derniers pour le fun. Guillaume, un thème botanique, tu prends ou tu laisses ? Je prends. Tu prends ? Alors, je suis un fruit dont les formes sauvages, Musa acuminata et Musa balbiciana, se trouvent encore aujourd'hui dans une grande partie du sud-est asiatique, de l'Inde et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu disais ? Fraise. Le quoi ? La fraise. La fraise, non, c'est non. Oui. Alors, Xavier, un pseudotronc au centre, je forme un pseudotronc au centre duquel émerge l'inflorescence qui est un épi complexe constitué d'un pédoncule sur lequel les fleurs sont arrangées en grappes nodales. Chaque grappe étant protégée par une feuille modifiée. T'es content, hein ? C'est clair. Tu te le représentes bien, hein ? Guillaume, je suis particulièrement... Ananas. C'est non. Xavier, je suis particulièrement nutritif et constitue un élément essentiel du régime alimentaire dans certaines régions, comme en Ouganda. De couleur verte avant de mûrir, puis jaune, puis banane. Jaune, et noir, je suis le fruit du bananier. La banane. La banane, c'est une bonne réponse. Un point pour Xavier. Et on va s'arrêter. Non, à chaque fois, dans les quatre à la suite, à chaque fois, on a un truc genre la pomme de terre ou une pomme. Ou... Petite histoire vraie, le bananier, c'est pas un arbre, c'est une herbe, il paraît. Sérieux ? C'est, ouais, c'est un pseudo-tronc. C'est un pseudo-tronc. C'est pas un arbre. C'est que j'ai pas dit, Si tu es allergique à la banane et au kiwi, tu es également allergique au latex. Ah, parce que c'est la même famille d'arbres. Parce que c'est... Non, c'est la même molécule qui est allergène. Ah, ok. Ah, d'accord. Attends, on apprend des choses, hein. C'est fou. Voilà. Ce que j'ai dit, les gagnants du quiz, c'est un peu notre Académie française. Le badge, c'est... Ouais, c'est... ça t'ouvre les grosses têtes, ça t'ouvre plein de trucs. Ah, bravo, Xavier. Je me permets, hein, je suis désolé. Je suis en train de fouiller pour reprendre le badge du grand vainqueur et je vais me l'épingler. Il n'y a pas une remise ? Ouais. Par lui-même, bizarrement. Je suis dégoûté quand même pour mon questionnaire des musclés qui était quand même bien... Je m'étais bien fait chier. Je pense que je le ressortirai l'an prochain. Bah, de toute façon, on aura oublié, hein, je pense. Hein. Les musclés, probablement pas, mais le questionnaire, oui, je pense. Très bien, bah écoutez, c'était bravo, Xavier. Oui. Bravo, franchement, je suis content parce que je suis pas bon à l'exercice, normalement, du quiz. Et surtout, j'ai failli pas pouvoir être là. T'as failli pas venir, hein, surtout. Ouais, ouais, j'ai failli pas pouvoir être là. Ah non, ah, attends. Bah, écoutez, j'ai... Oh putain, c'est vrai, j'ai gagné cette merde. Moi, je tiens bien, c'est vachement mieux qu'en deux heures. Merguez, tu as juste pour ça. Donc, tu as gagné. Oh mon dieu. Oh non. Tu succèdes à Sébastien, qui succède à. Merde, t'as gagné un beau prix. Non, c'est magnifique. Un beau prix pour le prochain. C'est moi qui ai fait le trophée. À Alexandre, qui succédait à Benoît, c'est ça. Qui succédait à Benoît. Donc, qu'est-ce que t'as gagné ? J'ai pas vu le. La vache. Bah. Bravo, bravo, Xavier. Merci, je m'y attendais pas, c'est cool. Bah, merci à vous tous, Kevin, on se voit vendredi soir. À vendredi. Il y en a qui arrivent. Merci pour les questions, c'était bien cool. Donc, t'as tout seul. Coucou. C'est à partir de 15h. D'une demi-heure. À partir de 15h. Avant, ça sert à rien. C'est à partir de quelle heure vendredi ? On a même pas les clés. Ah, fallait regarder la feuille de route. Mais il aura pas son badge. Ok. C'est 15h. Bah, moi je vais faire un très gros aller-retour. Je vais faire un très. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.